À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le séminaire sur ses exploits ont eu lieu au Parti de la diversité de l'Indonésie, au Comité indien d'études de la philosophie du Tutsé, à l'Association pakistanaise d'études du Tutsé, à l'Organisation d'études des idées du Tutsé de Lahore, Pakistan, au Comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain et au cercle affilié du Comité national éthiopien d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme. Les orateurs ont souligné que les exploits du président Kim Il-sung accomplis pour le développement de la Corée socialiste et l'émancipation de l'humanité brillent à jamais à travers le siècle.